Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est sur les traces des forçats Jean Valjean, Vidocq, Papillon et Vautrin que nous conduisait en 1983 le cinquième et dernier volet de la série des Nuits magnétiques consacrée à l'évasion. On y allait faire un tour du côté des bagnes de Rochefort, de Toulon et de Cayenne, dont on s'évadait parfois dans les romans comme dans la réalité. Quelques-unes des plus belles, des plus audacieuses et des plus cocasses de ces évasions nous sont racontées ici. À l'heure où certains envisagent, sans rire, la réouverture des bagnes, il peut être profitable d'écouter comment les fuyards s'y sont pris. On ne sait jamais. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Tes amants t'appellent, tout net la belle. Le cœur de 7000 hommes bat pour elle. Ainsi écrivait à Cayenne, Dieudonné, forçat innocent, qui réussit à s'évader dans les circonstances que l'on verra. Si la belle s'offrit à lui généreusement, beaucoup de ses clients d'un jour, car c'est une prostituée, ne rencontrèrent que la mort ou le supplice. Dans l'histoire de l'évasion, les réussites ne représentent qu'un chapitre court et brillant. Les rendez-vous manqués, les plus nombreux, mêlent inextricablement la boue, le sang, les sévices, la famine et le désespoir. On notera d'ailleurs que les livres d'histoire de notre enfance, ces constructions vastes et claires comme des jardins à la française, où passaient glorieusement les bassins du château de Versailles, la Déclaration des droits de l'homme et le visage des Napoléons, oublièrent ce bruit de chaîne qui ne cessa pendant des siècles de témoigner pour l'infamie, des galères du Moyen-Âge au bagne de Toulon, de Brest et de Rochefort, des bagnes métropolitains aux colonies pénitentiaires de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. L'histoire de la liberté reste à écrire. Une fois que les bagnards dans les camps forestiers, par exemple, avaient terminé leur stère de bois ou leurs travaux de défrichement ou de couper les arbres, ils avaient une certaine liberté jusqu'à l'appel du soir et jusqu'au réenfermement dans les cases. Et à ce moment-là, ils s'occupaient soit à chasser le serpent, par exemple, de façon à récupérer les peaux, ou bien soit à tailler dans le bois un certain nombre d'objets, en particulier des petites guillotines en bois qui plaisaient beaucoup aux rares touristes qui passaient là. Et puis aussi, ils chassaient les papillons, en particulier le papillon, le morpho, qui est un super papillon aux ailes bleues, dont les ailes pulvérisées servaient à la fabrication des encres qui servaient elles-mêmes à la fabrication du dollar aux États-Unis. Ce qui fait qu'une partie des dollars américains était fabriquée grâce à l'aide des bagnards français, ce qui ne manque pas d'un certain picot. Ils étaient rivés par le cou. Ils avaient un collier. Plus tard, au bagne, ils ne seront que par le pied. Ils avaient un collier et une grande chaîne qui reliait le premier et le second. Ce qui avait été épouvantable, il y eut ici un préfet maritime, à Père, qui a voulu voir ce que ça représentait d'être bagnard. Et il a voulu se faire river la chaîne. Et ça consistait avec un anneau de fer dans lequel, au bout, il y avait un maillon qui passait, qu'il fallait river. Il fallait mettre le cou sur l'enclume. Et le bonhomme qui, à côté, faisait tourner la masse, il a dit que c'était absolument épouvantable. Et lui, il savait qu'il serait dérivé une demi-heure après. Mais il a plaidé en disant, c'est absolument épouvantable. C'est un homme, il dit, on croit qu'on a la tête qui se décroche. C'est affreux, car la masse lui passait à ça du crâne. D'accord, le forgeron était à droit. Les forgerons sont à droit. Mais enfin, vous imaginez la couchée, puis vous voyez arriver ça. La Belle, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov. Fuir, là-bas fuir. À partir du moment où le bagne de Toulon est construit, d'ailleurs par les bagnards eux-mêmes, qui vont construire cette fameuse citerne que l'on fera admirer plus tard à Flaubert, on s'évade plus facilement que ce qu'on le faisait au moment où ils étaient entreposés sur les bateaux. Puisqu'à partir de 1756, jusqu'au moment où le bagne est construit, c'est sur des bateaux que les bagnards furent obligés de résider. Lucien Gaillard. Pourquoi s'évade-t-on plus facilement? Eh bien, ils sont mêlés aux ouvriers de l'arsenal, pour lesquels ils font les travaux de force. Et il est bien certain que, en travaillant comme cela dans les ateliers, ils peuvent très facilement se procurer une lime, un tire-poing, un bout de scie, pour couper, leur leur faire. Quelquefois même seront-ils aidés par les ouvriers, pour deux raisons d'ailleurs. La première, c'est certains ouvriers de l'arsenal les ont aidés pour de l'argent, il faut le dire carrément, mais d'autres simplement par sympathie. Vous voyez, c'est le moment où commencent en France les sentiments un peu plus démocratiques, et il est bien certain que les bagnards seront quelquefois aidés. Mais se couper la chaîne, ça n'est pas toujours simple, d'abord, surtout pendant les trois premières années où on est condamné à la double chaîne. Quand vous êtes condamné à la double chaîne, il faut s'entendre avec le second, celui qui est à côté de vous. Et celui-là, si vous évadez, il est complice et il est puni. Alors, c'est très difficile. Mais après trois ans, cela devient un peu plus facilement. Un peu plus facile. Pour se procurer des vêtements civils, ce n'est non plus pas très compliqué. Vous verrez tout à l'heure, je dirais que c'est quand même compliqué de s'évader. Mais enfin, se procurer des vêtements civils, on peut voler les effets de travail des ouvriers, on peut se procurer des vêtements de matelots, voire de femmes, lorsqu'on est très jeune, les uniformes des geôliers. Avec les couvertures, on peut faire des costumes, tant mieux que mal, et voire même en papier. On en fait aussi avec les morceaux de toile à voile. Tout ceci est relativement aisé. Mais une fois qu'on a fait tout ça, il faut arriver à sortir du bagne. Et c'est là où ça devient compliqué. Le bagne est entouré de deux enceintes. Il y a d'abord le bagne, c'est une partie de l'arsenal de Toulon, qui a son enceinte propre, et l'arsenal en plus a une enceinte. Et le bagne n'a qu'une porte, et l'arsenal de Toulon n'en a qu'une aussi. À cette époque-là, il n'y a que l'arsenal. Alors, il y a deux voies pour ça. Il y a un endroit où c'est pas trop emmuré. C'est la mer. La mer, eh bien, franchir le mur, se jeter à l'eau, et un bon nageur peut arriver à atteindre Saint-Mandrier sous réserve qu'il échappe aux patrouilles maritimes. La distance est longue et le danger est grand, et on a trouvé à certains moments de nombreux noyés dans la rade. La terre, je l'ai dit, sortit l'enceinte de l'arsenal, que l'on peut sortir par plusieurs moyens. On lance un grappin, si l'on est très fort, on se hisse, comme on dit, à bras carrés. Si on l'est moins, il y a une technique qui consiste à s'enrouler la corde autour de la taille, et à mesure, la corde vous monte. Il y en a une autre, c'est celle du forçat Morin, que Victor Hugo transforme en Jean Valjean, qui monte dans les angles en s'aidant des pieds et des mains, une technique qui est encore connue par les alpinistes. Alors, franchir le bagne, il faut sortir celle de l'arsenal. Ben là, vous me direz, c'est simple. Il y a 4000 ouvriers à l'arsenal, il suffit de se mettre au milieu et de ne pas se faire reconnaître. Alors, on fabrique des cheveux avec des copeaux, on fabrique une moustache et de la barbe avec les poils du pubis, et on se camoufle comme on peut. Mais c'est difficile, parce que les bagnards, justement, cessent le travail une demi-heure avant les ouvriers de l'arsenal. Une demi-heure avant, mais c'est pas par humanité. C'est justement que pendant cette demi-heure, on fait l'appel pour voir s'il y en a un qui est évadé et le reprendre à sa sortie. Et à la sortie, il y a les Argousins. Les Argousins qui connaissent, sont de véritables physionomistes, qui connaissent très bien les bagnards et qui, même déguisés, peuvent les reconnaître. Et surtout, vous savez à quoi ils les reconnaissent ? Au pas traînant qu'ils ont pris parce qu'ils traînent un boulet. Alors, au bout de quelques années, quand on a traîné un boulet, eh bien, ils ont une démarche qui, paraît-il, est très reconnaissable, les bagnards. Et alors, puis, ils ont la tête rasée, le visage rasé, ce qui ont une barbe à un endroit qu'à la moitié. Alors, les Argousins sont à la porte et il est difficile. Alors, le résultat, eh bien, c'est que souvent, les bagnards vont attendre le lendemain, le surlendemain, deux ou trois jours pour sortir du bagne. Alors, ils font des cachettes dans les tas de bois, ils font des trous au milieu des tas de bois, ils se mettent au milieu. On va les nourrir, les amis. Mais alors, quand l'alarme est donnée, il arrive cette chose épouvantable, c'est que la première sanction que prend le préfet maritime ou le directeur du bagne, c'est de faire changer les bagnards de place, de salle, si vous voulez. Et alors, les autres ne peuvent plus les alimenter comme au travail. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des morts. Il y en a même qui sont fait emmurer, et on a trouvé des squelettes de bagnards qui s'étaient fait emmurer dans un coin en disant, ben, dans deux ou trois jours, tu viendras me démurer. Et puis le collègue n'a vraiment pas pu venir. Non. No more, my love. No more, my love. Lord, I'll never turn back. No more, I found Dan here. Me glad no more. Lord, I'll never turn back no more. Une fois ceux qui ont réussi à sortir l'arsenal, alors arrive le troisième drame, c'est qu'il faut sortir de Toulon. Toulon, à cette époque-là, est entièrement sain d'une forteresse. Il en reste encore de très beaux restes, hein, à la porte d'Italie et derrière Sainte-Anne. Et les remparts font 100 mètres. Et au-delà des 100 mètres, il y a un espace absolument nu, c'est ça qui est terrible, qui en réalité n'est pas fait pour les bannières, il est fait pour que les pièces de marine puissent tirer. Hein. Mais on vous voit comme en plein jour. Et sitôt que il y a un évadé, ben, on tire le canon, et les Toulonnais sont assez sympathiques aux bagnards, ils les ont même fait figurer à la crèche. Mais il y en a beaucoup qui, à des moments donnés, veulent acquérir la prime. Cette prime qui est de 50 francs, si on reprend le bagnard à l'intérieur de la ville, et de 100 francs au dehors. Oh, je pourrais dire même qu'il y en a certains qui louent les costumes aux bagnards, etc., les font sortir de la ville, et après quoi, reprennent la gendarmerie. Vont prévenir la gendarmerie qui reprend le bagnard et touche la prime. Mais enfin, nous verrons que dans certains cas, ils n'ont pas été très défavorables, surtout les ouvriers de l'arsenal. C'est des gitans qui se trouvaient dans les remparts de la ville qui ne vivaient qu'à la chasse à la prime. Jacques Lebon. Et ils poussaient même pour gagner plus d'argent, comme ils ne touchaient que 25 francs, en les prenant pas loin du bagne, 50 francs à la sortie de la ville et 100 francs très loin de la ville, les gitans suivaient les forçats, ne les quittait pas des yeux et attendait qu'ils soient très éloignés pour que la prime soit plus élevée. Certains gardes chiourme faisaient aussi cette manœuvre pour gagner plus d'argent. Each time I was renowned, but our hopes in the good Lord. Lord, have mercy on me to tell me the gun was on the bow. All around the boat looking at them people's kids. Lord, they must have passed mine round him because they denied me again. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on me. I've been trying, Lord, every day in my life. Please, Lord, have mercy on me. Since I worked, they will give me some kind of change. Please, please, Lord, get in the hearts of them people around them pardon bow. And Lord, let them see my sorry too. Lord, have mercy on poor me. I fell down on my knees. I prayed both night and day, hoping people would help me long. Lord, have mercy on my dying soul. Lord, on me. Well, I know my cases ain't too bad, Lord. I just can't see why it beat me tears for wear. No hammers on my dying soul. I got a big family on my head. These are dead, that fever waiting on me to repair. Oh Lord, it will mean he return again back to my home. Oh Lord, have mercy on me. I got a man told me that he was quite right. Now let up to the gun for me. And I hope he will help me along. Praying to the Lord, he hear my prayer. I wish that gun would take sides with me. Lord, have mercy on me. That's all I got to say to you today. Please help me along in the name of God. Même quand on était sorti de Toulon, je vous rappelle que en France à cette époque-là, on connaît ce que l'on appelle le passeport intérieur. Même sorti de Toulon, ça n'était pas fini. Il fallait pouvoir circuler en France. Et c'est pour cela que les bois de Montrieux et l'Estérel, fourmille de brigands, ce sont les bagnards qui n'ont pas pu aller plus loin. Ils se réfugient là-dedans. D'ailleurs, ils le connaissent très bien. Pourquoi le connaissent-ils très bien, ces bois-là? Ben, c'est simple. C'est que tous les officiers de marine, tout ce qu'à Toulon on appelle les huiles, du bagne ou à côté, avaient des terres de chasse dans le massif de Montrieux ou dans l'Estérel. Et comme cela, ils faisaient faire, à des moments donnés, les murs par les bagnards. Vous voyez, ça leur revenait une main-d'œuvre à bon compte. De sorte que si vous allez dans Montrieux, vous verrez de très beaux murs et très longs en pierre sèche qui ont été faits par les bagnards. Alors, ils connaissaient très bien les bois. Et c'est pour cela que ces bois, l'Estérel était réputé comme un coupe-gorge et le Montrieux aussi. Antérieurement à la période où je vous parle, par exemple, Gaspard de Bèze, son équipe est formée de bagnards qui vivent comme ça dans les gorges, c'est-à-dire sur un des côtés du Montrieux. Antelme Collet, il s'appelait. C'est un homme qui avait d'abord commencé très honnêtement. Il avait été sous-lieutenant dans les armées napoléoniennes. Il avait même fait le siège de Brescia. Mais Collet, il avait des idées ecclésiastiques, si j'ose dire. La preuve, c'est que tout à fait sincèrement, au départ, il s'était fait ordonner sous-diacre, sous le nom de Tolosan, en Italie. Et plus tard, il se fait présenter au pape. Et là, malheureusement, il avait un peu oublié. Chez le pape, il dérobe des formules épiscopales, en particulier des formules pour les annulations de mariage. C'est très long pour faire annuler son mariage à court de robe. Et alors, il vendait ça très cher. Il avait aussi envoyé quelques bulles, etc. Mais il était toujours hanté par ses rêves d'église. Il faut croire qu'il avait parallèlement la vocation d'être un ecclésiastique, puisqu'on le retrouve à Nice, où il s'est fait appeler, alors là, il s'était monté en grade, il avait dit, avec le temps, il s'était fait appeler Monseigneur Pascalini. Et il se présentait comme évêque in partibus de je ne sais pas trop quelle ville. Ce que fera Vautrin, à un moment donné, dans les romans de Balzac. Plus tard, il se prétendra comte de Borromero. Alors cette fois-ci, c'est son passé militaire qui remonte. Alors il se fait passer pour général inspecteur, et un beau jour, il s'est amené dans le Varl. Il a passé royalement l'inspection des troupes cantonnées à Draguignan, à Marseille et à Nîmes. Et effectivement, seulement il a eu un tort, c'est que chaque fois, il s'est fait présenter des comptes. Les comptes, la caisse, et qu'il a recompté la caisse. Et quand on a recompté la caisse après lui, on s'est aperçu qu'il en manquait. Alors conséquence, il a été arrêté à Montpellier. Ça fait un grand scandale, tout le monde en a parlé dans Montpellier. Et le préfet, qui recevait un soir et qui avait des invités, juste comme on venait de l'arrêter, a dit, ben, je vais le montrer à mes invités, ça va être le gala de ma soirée. Et alors on décide de montrer Collet aux invités. Seulement entre-temps, Collet dans la cuisine, il avait pris les vêtements d'un marmiton et il s'était enfui. Et c'était en novembre 1940, il s'était enfui. Malheureusement, il sera évidemment retrouvé et regagnera le bagne. Mais en fait, c'est lui qui a inspiré à la fois Balzac pour son Vautrin, qui est le grand personnage, et également qui est évoqué parmi les deux forçats que rencontre Julien Sorel lorsqu'après avoir tué la femme du maire de Verrières, là, il se trouve en prison avec deux bagnards qui justement lui parlent du bagne. L'un d'eux est le fameux Collet. Un bagnard était sorti de la porte de l'arsenal avec une brouette et des outils. Et comme vous savez, il y avait beaucoup de forçats de bonne conduite et qui pouvaient aller assurer des corvées en ville, car on retrouve dans l'histoire du bagne, principalement du forçat Clément, des anecdotes de forçats professeurs de musique, forçats bonnes d'enfants, comme au père, comme les étudiantes maintenant, qui tous les matins sortaient du bagne et allaient emmener les enfants à l'école. La coqueluche des Toulonnaises était un forçat dentiste qui avait ouvert un cabinet en ville et qui tous les soirs revenait coucher au bagne. Donc ce forçat qui sortait avec sa brouette et ses outils a traversé toute la France. Avec ses outils et sa brouette, les gendarmes l'arrêtaient pour discuter avec lui, boire un pot, fumer une cigarette. Personne ne songeait que c'était un forçat. Il y a une autre anecdote, c'est d'un vieillard qui s'est présenté au directeur du bagne, au commissaire des Chiourmes, demandant à être réintégré et signalant qu'il s'était évadé du bagne 47 ans avant. Et ce monsieur était devenu directeur d'une grande entreprise. Et son associé, qui connaissait ses origines de bagnard, pour des difficultés d'argent, pour la somme de 100 francs, son associé voulait le dénoncer comme ancien bagnard. Donc ce vieillard est venu se présenter au commissaire du bagne en disant « Voilà, je demande, mon évasion est antérieure à votre arrivée. Il y a 47 ans que je me suis évadé. J'avais alors 24 ans et j'en ai maintenant 71. » Le directeur du bagne a fait rechercher et a retrouvé, oui, bien sûr, 47 ans avant. Mais le directeur du bagne a fait rechercher aussi l'associé. Il l'a fait incarcérer à la place du vieillard et le vieillard a été libéré. Il y en a un autre qui a fait une carrière absolument formidable, c'est le fameux Jérôme Coignard. Jérôme Coignard, c'était un homme qui avait été condamné à 14 ans de travaux forcés pour vol. Et il s'évade de Toulon, et quand il s'évade de Toulon, lui, il s'est évadé à la nage. Il s'est évadé à la nage, et il a rejoint justement Saint-Mandrier, l'île dont on vous parlait tout à l'heure. Et là, il a eu de la chance, il a rencontré des contrebandiers espagnols. Alors, il avait de l'argent, il leur a offert de le prendre pour l'amener avec eux. Ce que les Espagnols ont accepté, et ils l'ont débarqué sur la côte catalane. Il a vivoté quelque temps, et puis il a eu la chance de faire la connaissance d'une jeune fille, et cette jeune fille devient sa maîtresse, et un beau jour, elle lui montre une cassette, et elle lui apprend qu'elle avait été quelque temps la bonne, et presque peut-être la bonne à tout faire, d'un émigré, le comte Pontis de Sainte-Hélène, et que son maître, en mourant, quand elle l'avait assisté, là, lui avait donné tous ses papiers qui étaient dans ce coffre. Et alors, Jérôme Coignard lui dit, mais il faudrait ouvrir le coffre, voir un peu ce qu'il y a dedans. On ouvre le coffre, il n'y avait pas de grande fortune, mais il y avait quelque chose d'inestimable. Dans le coffre, il y avait tous les papiers, certificats, état de service, brevet d'officier, acte de naissance, toutes les archives personnelles, si l'on peut dire, du comte Pontis de Sainte-Hélène. Alors immédiatement, Jérôme Coignard a une idée. Il est en Espagne. Alors il sert d'abord dans les armées espagnoles et il devient officier dans les armées espagnoles. Puis il sent que l'Espagne avait des affaires. Vous savez, l'Espagne était dans lui, donc contre Napoléon. Tout de même, quand il s'est assez mûr, il dit je vais changer de camp. Et alors il se présente un beau jour aux armées françaises, à l'armée française, en disant d'accord, j'ai été émigré, j'ai servi l'armée espagnole tant qu'elle ne luttait pas contre les Français, mais maintenant ça me dégoûte et je vais me servir chez vous. Alors devant un tel repliement, on ne peut rien moins faire que le nommer colonel. Et il devient colonel d'Empire. Arrive 1815. Il aurait pu perdre toute face. Non, en 1815, c'est Louis XVIII. Coignard, dans sa jeunesse, avait été soldat dans les armées vendéennes. Il avait servi avec les Chouans. Alors, immédiatement, il va trouver le duc de Berry et il lui raconte les histoires de Chouans en disant « J'ai servi parmi eux, donc je suis un bon royaliste. » Et il est nommé il avait un peu baissé, là. Il est nommé lieutenant-colonel de la 72e Légion à Paris. On dit qu'il fut en même temps chef d'une bande de brigands, ça n'est pas prouvé. Les appointements étaient bons et il faut penser qu'il s'y est tenu. Et un beau jour, il passe la revue sur la place du Carrousel à Paris, à l'Arc de Triomphe, et il est reconnu par un ancien camarade de chaîne, Dornis, qui, jaloux, pas tant pour gagner la prime, moi je pense, mais Dornis a été jaloux du succès de son ancien collègue, le dénonce au ministre de Cazes. Dornis faisait d'ailleurs partie de l'équipe de Vidocq. Et alors, on arrête Jérôme Coignard, qui réussit une dernière fois à s'évader. Lors d'une confrontation, il réussit à sortir du palais de justice. Malheureusement, il n'ira pas bien loin. Et en 1819, il est remis au bagne de Toulon, où il mourra. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que désormais, il joue vraiment au bagne, le comte Pontis de Sainte-Hélène. Il ne tutoie plus jamais les bagnards, et il affichait, nous disent ces historiens, un grand air de commisération, mais ce n'est pas au diable. Il continuait au bagne à être colonel. C'est un cas de mythomanie vraiment remarquable. Parmi les évadés célèbres, il faudrait aussi citer Pierre Petit. Pierre Petit, lui, il avait fait le tour de toutes les prisons et de tous les bagnes. Et pour l'empêcher de s'évader, c'est à peu près impossible, il faut croire. À Saint-Omer, il s'était évadé pendant la confrontation en remarquant tout simplement, dans le bureau où il était là, une robe d'avocat qui était un peu trop longue, mais cela ne l'empêcha pas de la revêtir, de traverser tout le palais et de s'évader, alors qu'il aurait dû être confronté par le d'instruction. Et alors là, Salaman, il s'était évadé, mais il fallait vivre. Or, à ce moment-là, les Anglais, à la suite de 1815, occupaient tout le long de la France. Alors lui, il se présenta dans un camp d'officiers anglais qui étaient en troupe d'occupation. Il parlait 4 mots d'anglais, et aux Anglais, il prétendit qu'il avait été brimé par les Français, etc. Et il se présenta comme interprète. Alors, les gendarmes retrouvèrent sa piste et vinrent devant les Anglais et leur dirent qu'il fallait leur rendre le bagnard. Et c'était lui l'interprète. Alors lui l'interprète dit aux Anglais, mais non, il ne leur dit pas qu'il cherchait un bagnard, il leur dit ils viennent pour enlever les filles de joie qui sont dans le camp. Ma foi, les filles de joie leur rendaient de grands services aux Anglais. Les Anglais se mirent dans une colère folle, ils étaient chez eux dans leur camp, ils menacèrent les gendarmes de les rosser et les gendarmes s'en allèrent. Et lui, Petit, fut pu ainsi vivre quelque temps. Malheureusement, encore pareil, il eut le tort de chaparder la caisse des Anglais. Il fut donc obligé de s'enfuir. Repris, il est condamné à 10 ans. Et on l'amène cette fois-ci à Toulon. À Montélimar, pendant le trajet, les bagnards, la chaîne, faisaient le trajet à pied, quelques-uns en voiture, ce qui était plus malin, mais ils faisaient aussi de Lyon à Avignon, ils faisaient cela en bateau. Alors à Montélimar, il sort du bateau, mais il est encore une fois attrapé. À Toulon, il s'évade 3 fois. Et alors, il est tellement célèbre pour ses évasions que finalement, le directeur du bagne le donne en mission au garde de surveiller étroitement Petit. Alors, le pauvre Petit, sans jeu de mots, il a tous les jours derrière lui un argousin, ça devenait impossible. Alors, plus ça lui devenait impossible de s'évader, il devient désespéré. Et il avait juré de rendre service à ses compagnons. Et pour rendre service à ses compagnons, il y avait un garde chiourme, un adjudant, qui était terrible. J'ai oublié le nom, mais ça n'a pas d'importance. Et il le tue à coups de couteau. Et ainsi sera-t-il exécuté, mais disant à ses camarades, vous voyez, je vous ai rendu service, puisque j'ai tué quelqu'un qui fut vraiment mauvais pour vous. Argenteuil, 3 mars 1827, Monsieur. Il y a au bagne un nommé Louis-Antoine Guérin, numéro 18563, c'est malheureusement mon mari. Voilà la seconde fois qu'il est condamné à la même peine, la première punition ne l'a pas corrigé. Ce lâche m'a laissé avec 4 enfants que je soutiens par mes travaux et par ses bassesses, je suis dénigré. Cependant, ma conduite et celle de mes enfants sont irréprochables. Comme il a subi 5 ans et qu'il est pour 10 ans, comme c'est un homme parti en abandonnant sa femme et ses enfants, moi et mes enfants renonçons à lui, croyant que nous n'avons ni mari ni père. Nous vous prions de vouloir bien nous écrire ou faire écrire s'il existe encore. En cas de mort, de vouloir bien m'envoyer son extrait légalisé. J'ai l'honneur de vous saluer, femme Guérin. Il y a eu toutes sortes de costumes quand on pointait les forçats. Le plus courant a été les costumes de leurs gardiens qu'ils pouvaient quelquefois voler. On en cite un dont j'ai oublié le nom, je me suis dit, qui réussit à se confectionner une tenue complète d'adjudant au bagne, d'argousin si vous voulez, et en papier. Et vous savez tout, et qui réussit à passer et à sortir comme ça. D'autres qui empruntaient, un, tenez, c'est au bain de Rochefort, mais ça fait rien, un qui était employé, il était valet de chambre chez le capitaine du port. C'est pas, et qui un beau jour s'est évadé avec la tenue de son maître, et qui a volé également le cheval, et qui en grande tenue a traversé tout Rochefort comme représentant son maître. Mais le plus classique et celui qui leur plaisait le plus quand il pouvait faire, c'était de se trouver une soutane. Il y a eu à cela plusieurs raisons. D'abord, le prêtre, c'est un personnage respecté qu'on ne suspecte pas. Mais il y en avait aussi une autre. C'est qu'à cette époque, il faut placer, seuls à peu près les acteurs et les ecclésiastiques et les bagnards étaient des gens qui ne portaient pas de barbe ni de moustache. Et ainsi, ça expliquait d'avoir les cheveux tondus, et souvent les prêtres, par humilité, portaient les cheveux très courts. Et ainsi, pouvaient-ils plus facilement se dissimuler. Et des combines comme ça, il y en a eu des quantités. Il y a ceux qui se sont évadés en se faisant passer pour malade, voire pour mort, si vous voulez. Et on a trouvé plusieurs comme cela. Il y avait 30... Ils ont tout essayé. Un beau jour, pour citer la chronique, elle est vraie, le commissaire du bagne, celui qui était sous le directeur, rencontre Pichon dans la cour, sans faire rien du tout. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites? Il aurait dû être enchaîné et être dans les locaux du bagne, dans les cases, si l'on veut, et dans les salles. Et alors, il lui dit, je suis là, venu là pour respirer. Et alors, celui-ci lui dit, bon, bien, ça va, mais rentrez chez vous. Et on rentre immédiatement, c'est la fouille dans tout le bagne, et on retrouve Pichon sur son bas-flanc, complètement enferré. Et ça a duré plusieurs fois. Il s'évadait par plaisir. Il s'évadait, puis il allait faire un tour dans Toulon, et puis on le rattrapait. Il avait mis les argousins du bagne au bord de la crise nerveuse, car tout le monde se demandait comment qu'il faisait pour obtenir de scier si rapidement ses fers, et ensuite pour sortir. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que les bagnards avaient un bonnet qui était vert pour les perpétuels et rouge pour les temporaires. Et sur ce bonnet, il y avait une plaque de fer blanc, sur lequel il y avait leur numéro matricule. Et un beau jour, un garde-chiourme plus avisé s'est aperçu que celui de Pichon, au lieu d'avoir une plaque en métal blanc, quoi, celle officielle du bagne, avait une plaque en acier trempé, finement dentelée tout le tour, exactement comme une scie. Et avec ça, il avait vite fait de scier ce qu'ils appelaient la manicle. Hein. C'était très vite fait. Et ainsi, s'évadait-il pratiquement par plaisir. Mais les moyens d'évasion au bagne, mais ils ont été multiples. Il y avait, comme on dit, la sortie classique. Bon, scier les barreaux et s'évader par les murailles, en passant les murailles. Il y avait aussi le souterrain qui fut surtout employé à Rochefort. Il y a une équipe de bagnards qui, un beau jour, a percé un souterrain, un puits de 5 mètres, un souterrain qui avait plus de 50 mètres. Ils sont arrivés dans les égouts de Rochefort, là, dans les égouts de Rochefort, ils ont trouvé une grille trop épaisse, ils ont dû la contourner pendant les jours et les jours. Je pense que ça vous rappelle le fameux film Le Trou, c'est exactement ça. Ils ont dû la contourner. Et attention, ils étaient encore, pendant leur période d'accouplement, ils étaient liés deux par deux, et ils ont suivi les égouts de la Charente, et ils sont arrivés à la mer. Malheureusement, liés deux par deux, ils ne pouvaient ni s'embarquer, ni nager, et ouh, faire défaire leur fer. Ils n'y sont pas arrivés. Remarquez que certains furent plus forts. On a cité qui non seulement a réussi à trouver un forgeron qui lui défie sa chaîne, c'est arrivé comme ça, mais encore il a lui vendu 30 sous. Il y a eu également parmi les célèbres le forçat Jean Fernet qui a été condamné à 10 ans de bagne, il a fini par en faire 20. On l'avait surnommé Salvador, le sauveur. Il s'est battu 32 fois de différents endroits. Une fois, par exemple, de la force, la prison de la force, on l'avait mis à Paris, et là, il avait simulé les symptômes d'une mort prochaine, et alors, pendant qu'il était étendu à la morgue, comme on n'y mettait que les morts, vous voyez, il y avait des autres morts, la morgue, elle était moins barricadée qu'ailleurs, il a creusé les murs, et il s'est enfui avec ses draps. Ça avait tellement bien réussi, qu'il va le faire une seconde fois, arrivé au bagne de Toulon. Une seconde fois, il est employé à l'infirmerie. Après des années, bien entendu, il avait enfin trouvé ce que les forçats appelaient une planque. Il était employé à l'infirmerie. Alors, il s'est enroulé dans son drap blanc, si bien masqué qu'il a figuré la blouse blanche du pharmacien dans la pharmacie. Il a pris un bocal sous le bras et il a réussi à sortir du bagne sous l'apparence du pharmacien. Mais la plus belle, c'est des évasions, celle que moi je trouve la plus belle, c'est lorsqu'il est ramené une dernière fois au bagne de Toulon, il est ramené par deux gendarmes. Et quand ils arrivent pas très loin de Toulon, d'ailleurs, il faisait chaud, il était entre les deux gendarmes, à l'auberge, les deux gendarmes, car pendant des jours et des jours, il fallait bien qu'ils se nourrissent, les deux gendarmes avaient peut-être un peu forcé sur la bouteille, lui était au milieu à pied, les gendarmes étaient à cheval, et voilà les deux gendarmes qui s'assoupissent au pas de leurs chevaux, et ils passent, à un moment donné, sous des arbres dont les branches étaient assez basses. Attention, n'oubliez pas que Fernet avait les mains liées derrière le dos. Il voit les branches basses, il a pris son élan, fait un saut périlleux, a été assez heureux pour tomber à califourchon sur la branche qui venait sur la route, et les gendarmes, pendant un moment, je ne sais pas combien de temps, là, ont continué leur route, chacun sur leur cheval, sans s'apercevoir qu'entre les deux chevaux, il n'y avait plus personne. Un évadé du bagne de Rochefort qui, lui, comme je vous l'ai dit, ne pouvait pas sortir du bagne le jour même. C'était souvent très dangereux. Il fallait attendre. Mais comment attendre ? Ben celui-là a eu, je pense que c'était en été, heureusement pour lui, le courage de se cacher dans un bassin où habituellement on mettait à immerger les bois. Vous savez, pour les travailler, pour les courber, ben, il fallait immerger les bois. Il se cacha dans ce bassin. Il s'était alourdi avec des pierres. Il était au fond. Il s'était fait un manchon de cuir. Il avait mis un objet flottant, je crois que c'était un vague chapeau, vous savez, qui semblait flotter sur le bassin pour l'extrémité. Et le tube lui servait à respirer. Bien entendu, la nuit, Il sortait et ses camarades lui donnaient à manger. Mais pensez-vous, si c'est en été, justement, rester sous l'eau, entièrement sous l'eau, de l'aube à la nuit, il faut tout de même avoir un sacré courage et une sacrée endurance. Et même si ce n'est qu'un bagnard, moi je l'admire carrément, hein. L'histoire du bagne est une histoire d'eau autant qu'une histoire de sang. Le mot bagne vient de l'italien bagno, par allusion à d'anciens bains publics transformés en lieux de détention. Les premiers bagnes français sont créés à la périphérie du royaume, à Toulon, à Brest, à Rochefort, de même que beaucoup plus tard, on placera les bagnes militaires à Lorient, au Havre, à Nice, à Belle-Île. Avec Napoléon, déportation et insularité vont de pair. Les républicains sont expédiés en Corse, aux Seychelles, à Saint-Domingue, aux Comores. Le colonialisme républicain, lui, placera l'enfer au bord des plages, en Nouvelle-Calédonie, sur la côte et sur les îlots de Guyane. Le bagne Cayenne, c'est qui commence en 1852, officiellement. Il avait commencé d'ailleurs avant, en 92, hein, sous la Révolution. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience de colonisation manquée. Cayenne, on avait voulu en faire une colonie de peuplement et d'exploitation. Alors on avait eu l'idée d'y envoyer des bagnards, hommes. Ensuite, on leur aurait envoyé des femmes. Et quand ils auraient fini leur temps, on aurait marié le bagnard et les femmes de mauvaise vie, on leur aurait donné une concession et devenus agriculteurs, ils auraient mis en valeur, ou coupeurs de bois, ils auraient mis en valeur la colonie. C'était une très bonne idée, elle l'avait pas mal réussi au Canada. Attention, les Canadiens, les hommes n'étaient pas des bagnards, mais les filles, vous le voyez dans Manon Lescaut, furent souvent les filles de mauvaise vie arrêtées sous Louis XV. En réalité, c'est pour ça d'ailleurs, je m'excuse de... C'est pour ça qu'on avait créé cette fameuse relégation qui était quelque chose d'abominable et qu'on connaît mal. C'est-à-dire que le bagnard condamné à moins de 8 ans devait faire 5 ans rester encore à Cayenne et à plus de 8 ans il restait à perpétuité. Hein. Alors, donc la Révolution en avait envoyé quelques-uns, Collot d'Herbois, Billaud-Varennes, enfin tous les opposants au mouvement d'après Thermidor. Et elle envoya même, tiens, le général Pichegru, qui avait fait l'attentat contre Napoléon, là, à la rue Saint-Nicaise, elle l'envoya, et Pichegru, avec 8 de ses compagnons, réussit à prendre une pirogue et à gagner le Venezuela. Mais le bagne de Cayenne, il faut bien le dire, fut un échec considérable. Albert Londres a réussi à le faire supprimer, et c'était heureux. Ce fut un échec, dont j'ai dit. Mais, justement, il fut un temps où les gens menacés de prison, certains, faisaient tout pour se faire envoyer au bagne, parce que, disait-il, on s'évade facilement de Cayenne. C'était à la fois vrai et faux. À Cayenne, comme elle savait comment elle m'a joué, il n'y avait que des bagnards ou des relégués à Cayenne. Alors à Cayenne, les forçats étaient arrivés, dans certains cas, à circuler complètement librement. On les trouvait à travers la ville. Alors, ce n'était rien du tout, mais il fallait sortir de Cayenne par un fleuve, le Maroni, qui est complètement envasé dans une terre hostile, terre de marais, terre de forêt vierge, terre de serpents, et de sorte que les évasions furent toutes terribles. Les trois quarts échoués. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que quand vous sortiez de Cayenne, il y avait seul un État, le Venezuela, n'avait pas de traité d'extradition avec la France. Les Anglais, eux, à la Trinité ou autre, ou à la Barbade, vous donnaient 3 jours pour quitter leur sol. Et les autres, les Brésiliens de l'autre côté, parce que là, vous renvoyez carrément. Les Hollandais, eux, faisaient mieux. Eux, quand ils avaient besoin de main-d'œuvre spécialisée en Guyane hollandaise, ils faisaient évader les bagnards en traversant le fleuve. Il n'y a qu'à traverser le fleuve avec un canot, c'était la frontière. Ils le faisaient travailler chez eux, et puis ensuite ils le remettaient, quelques mois après, aux surveillants du bagne. Alors des évasions, ben, il y en a quelques-unes de célèbres. En particulier Dieudonné. Dieudonné qui était vraisemblablement innocent. Dieudonné, il avait dans sa jeunesse fréquenté les anarchistes. C'était la mode à l'époque et tout le monde connaît la bande à Bono. Alors la bande à Bono, vous savez comment elle a fini? Elle a fini par l'attentat dans la rue Ordener qui a mis toute la France en révolution. Bono qui s'enferme avec Garnier, etc. Et le véritable Fort Chabrol, on en sert la police, l'armée, et Bono sera tué sur le cas, et Garnier aussi. Mais Garnier, en ne mourant pas tout de suite, dira « Dieudonné est innocent, car il n'était pas là, Dieudonné. Il avait fréquenté ces gens-là, mais il n'était pas là. » Il n'y a rien eu à faire, il fallait absolument, l'opinion était terrorisée et les gens de la bande à Bono furent tous condamnés à mort. Dieudonné avait protesté de son innocence, malgré tout il fut condamné au bagne à perpétuité. Il demanda sa révision plusieurs fois et finalement lassé, en décembre 1929, avec 5 autres, ils prennent une pirogue qui était conduite par un noir qu'on appelait Agoupa. Et ils sont partis avec la pirogue. Mais le noir, il n'avait jamais navigué que sur le Maroni. Quand il est arrivé en mer, il ne connaissait pas. Il s'est échoué comme des centaines de forçats sur un fameux banc de vase, que justement on appelle le banc des Français. Il a fallu, à genoux, allongé sur cette vase, essayer de tirer leur barque tant bien que mal. Un de leurs camarades s'est enlisé. Enfin, ils ont réussi à gagner une crique. Il fallait gagner à pied le Venezuela, à travers la forêt vierge, à travers les tiques, sans rien à manger, se nourrissant de cueillettes, comme ils ont précisé. Ils s'étaient divisés en deux, et seuls Dieudonné et son compagnon réussirent à rejoindre le Brésil. Où ils furent arrêtés, le Brésil aurait dû les extrader. Mais cet espoir, et puis l'affirmation de son innocence, que d'ailleurs Albert Londres s'est employé à démontrer, fit que Poincaré ne demanda pas l'extradition, lui qui était président de la République, et même qu'il a envoyé un passeport à Dieudonné, qui fut gracié et revint en France, où il a mené une vie très honnête. Long time ago, boy, I was only 12 years old. But I remember that old mule that I used to plow. I work all day long, work from sun to sun. I work all day long, wait from sun to sun. I be so tired, after the sun go down. When I first saw the hoboin, the freight train to be my friend. When I first saw the hoboin, freight train was my friend. A hobo, long ways my home. My mother followed me down to the yard that day when I was leaving. My dear old mother, she followed me down to the old freight train yard. That freight train was leaving. I was hanging on the blind, moving on down the line. I left my dear old mother on a been in these crimes. I love my dear old mother, dear old mother, dear old mother. On a bend in knees a crying. She said, Lord, take care of my son. He gone in the woods somewhere. He gone up north. Please take care of him. Oh boy, oh boy, oh boy. Long, long way from home. On considère qu'il y a, d'après les statistiques que j'ai faites, puis les chiffres qui sont assez connus, 70 000 personnes ont connu les bagnes de Guyane depuis 1852 jusqu'à 1946, c'est-à-dire le début des rapatriements. Michel Pierre. Mais on appelle bagnards, en fait, des gens qui sont de catégories extrêmement différentes. Alors, parmi le terme bagnard, on doit intégrer ce qu'on appelle les déportés, dont Dreyfus reste le meilleur exemple. Alors, la déportation était réservée aux espions, aux supposés tels, ou aux condamnés politiques. Et puis, une catégorie qui représente sur l'histoire du bagne, donc sur un siècle d'histoire, quelques centaines de personnes, surtout du reste sous le Second Empire, puisqu'il n'y a plus de condamnés politiques, théoriquement, sous la Troisième République. Et alors, il y a une seconde catégorie que l'on appelle les relégués, c'est-à-dire des petits truands, des petits voleurs, des minables, finalement, qui avaient commis des tas de petits délits et qui se trouvaient relégués en Guyane à partir d'une loi qui est votée en 1885. Mais la catégorie la plus importante, disons que les relégués, ça représente 15 000 personnes sur 70 000 de l'histoire du bagne. Mais ce qu'on appelle bagnards en général, relève seulement des transportés, c'est-à-dire des condamnés aux travaux forcés, qui sont, eux, la majorité de la population pénale qui a été expédiée là-bas, c'est-à-dire donc 50 à 55 000 personnes. Quoi. Alors c'est ceux-là, les vrais bagnards, selon la tradition et selon ce qu'on en dit le plus souvent. Quoi. C'est papillon, si on veut. Et alors, ces trois catégories ont un comportement un petit peu différent au bagne. Bon, pour les déportés qui sont des condamnés politiques, surtout sur le Second Empire, ils assument leur déportation. Dreyfus, ça a été dans des conditions épouvantables. Les relégués, eux, sont très souvent extrêmement surpris de voir ce qui leur arrive, c'est-à-dire d'être vraiment envoyé en Amérique, au bord de la forêt amazonienne, dans des conditions assez effroyables. Ils sont très très peu contents de leur sort. Alors, la loi sur la relégation de 1885 avait pour objectif de débarrasser le sol français des vagabonds, des petits voleurs, des petits truands. Alors, dans les archives, j'ai trouvé des cas d'envoi en Guyane pour des relégués qui sont assez extraordinaires. Par exemple, quelqu'un qui avait commis comme premier délit un vol de poule, comme deuxième délit fracturer un tronc dans une église, comme troisième délit de vagabondage, etc. Et puis, ces petits délits se surajoutaient les uns les autres, et au bout du sixième ou du septième, en fonction d'une loi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction de cette loi sur la relégation, ils étaient relégués en Guyane. Mais j'ai trouvé comme occasion, si on peut dire, d'être relégué en Guyane, quelqu'un qui avait qui avait volé une demi-bouteille de cassis, par exemple, dans un café, qui avait été jugé pour cela et envoyé en Guyane. J'ai trouvé aussi le cas d'un vagabond qui avait été surpris par des gendarme sur un quai de Bordeaux en 1898 et qui vidait tranquillement, enfin vidait, c'est un grand mot, et qui buvait tranquillement à même un tonneau de vin rouge de Bordeaux qui était là, et ça se passait un 24 décembre, où s'était organisé son petit réveillon, et était surpris par les gendarmes, condamné à un certain nombre de mois de prison qui faisait qu'il tombait sous le coup de la loi sur la relégation. Et donc cet individu est parti en Guyane après une série de tout petits délits où il est mort, d'après les archives que j'ai trouvées, 3 ans après. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que parmi ces relégués, la loi sur la relégation s'appliquait aussi aux femmes. C'est comme ça que j'ai retrouvé la trace de plusieurs centaines de femmes qui ont fini leur jour en Guyane dans des conditions épouvantables et qui ont été condamnés là aussi pour des petits vols, des vols de coupons de tissu ou du vagabondage ou de la prostitution à la petite semaine. Des femmes qui quelquefois avaient des enfants en France et qui étaient expédiées en Guyane théoriquement pour épouser des bagnards repentis et repeupler le territoire. On a très vite abandonné cette idée. Mais c'est là qu'on voit quelque chose qui me semble important, c'est que la Troisième République, dans son arsenal juridique et pénal, a été l'un des régimes les plus cruels que la France ait jamais connu. Alors les relégués trouvaient que c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Et on voit bien qu'ils meurent finalement en moyenne 2, 3 ou 4 ans après leur arrivée en Guyane. Alors on les mêlait pas aux grands condamnés, c'est-à-dire on les mêlait pas à ceux qu'on appelait les transportés, donc condamnés aux travaux forcés. Ils avaient droit à un camp particulier qui se trouvait à Saint-Jean-du-Maroni. Ils avaient le droit, au bout d'un certain nombre d'années, de circuler en Guyane, mais il n'y avait pas de possibilité de se refaire une virginité pénale, si on peut dire. Il n'y a pas de travail, il n'y avait pas de possibilité de se livrer véritablement à l'agriculture, ce qui fait que ces relégués, finalement, finissaient par être soit clochardisés, soit commettaient de nouveaux délits, et à ce moment-là étaient condamnés sur place, et de relégués pouvaient devenir condamnés aux travaux forcés, c'est-à-dire passer à la catégorie supérieure, si on peut dire, de devenir des transportés, des véritables bagnards tels qu'on l'entend habituellement. Il y en a un autre qui est célèbre, alors celui-là, tous les gens de mon âge et même les gens l'ont connu, c'est le célèbre Marseillais, le célèbre docteur Bougras. Bougras, c'était un homme qui avait eu une admirable conduite en 14-18, il avait été décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre, mais il avait un appétit sexuel exacerbé. Et à un certain moment, quand on prend de l'âge, les femmes, ça coûte cher, de sorte que Bougras, malgré un cabinet médical assez bien achalandé, s'était mis à faire des chèques sans provision. Et il aurait été arrêté si le 14 mai 1925 ne s'était pas présenté à lui un encaisseur nommé Rumeb qui venait se faire des piqûres pour une maladie, c'était la syphilis, disons-le carrément, une piqûre au mercure. Et Rumeb portait ce jour-là sur lui 850 000 francs d'époque, c'était énorme, qui représentait la paye de Saint-Henri. Il eut le tort de dire à Bougras. Et Bougras lui fit une piqûre, on l'a chanté, vous savez, une petite piqûre à la Bougras. Et Rumeb succomba, Bougras l'enferma dans un placard. Et on chercha de partout Rumeb, persuadé qu'il avait été assassiné, mais la police cherchait de partout. Personne ne soupçonnait Bougras, mais il se trouvait cependant un témoin important, puisqu'il avait vu Rumeb pour la dernière fois. Il était l'année qu'il avait vu. Et un beau jour, les policiers furent averti par les gens de la maison qui se plaignaient d'une odeur infecte. Ça puait là-bas dans la rue Sénac. Et alors un policier s'y rendit, mais Bougras était nullement suspect. Il se rendit chez Bougras presque pour l'interroger en tant que toujours comme témoin. Et quand il pénétra dans le cabinet du docteur, c'était une odeur absolument épouvantable. Alors immédiatement, mandat de persécution, on sonde et puis guidé par l'odeur, on ouvre un cadavre, on ouvre un placard dans lequel on trouve le malheureux Rumeb qui était là depuis 3 mois. C'est vous dire dans quel état. Bougras nia toujours, non pas d'avoir tué Rumeb, c'était impossible, mais il dit qu'il avait fait une piqûre, qu'il s'était trompé, que c'était vraiment une erreur, une faute professionnelle, mais que quand il avait vu mort, il s'était affolé, c'était sa carrière brisée, et qu'il avait caché Rumeb. La preuve n'a jamais pu être faite. Et c'est pour cela que Bougras ne fut pas condamné à mort, comme à l'époque, mais fut condamné au bagne. Or, le bagne a toujours eu un défaut, et un défaut grave. C'est qu'il continuait exactement la société. C'est dire que le pauvre diable au bagne, ben, il allait tirer les chariots, mais que l'escroc devenait comptable, le prêtre, car il y avait des prêtres, le plus célèbre fut l'abbé Léotarde et d'autres, le prêtre devenait comptable, employé au bureau. Les argousins n'étaient pas une forte instruction, ils avaient toujours besoin de scribouillards, d'autres devenaient bibliothécaires. Et Bougras, comme il était médecin, on l'envoya travailler comme infirmier, et presque médecin, à l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni. Et c'est de là qu'avec 5 compagnons, il s'évada un beau jour. On a dit que l'évasion de Bougras avait été faite. C'est possible au départ, c'est vrai, pour quitter le bagne. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que, à peine furent-ils au large, car ils s'étaient évadés en bateau, qu'ils furent pris par une tempête épouvantable qui les chassa sur les bords de la Guyane britannique. Alors les Anglais, ils n'extradaient pas les forçats, mais ils ne leur permettaient pas de résider. Ils leur donnèrent 3 jours pour réparer leur bateau qui avait été désemparé. Ce qu'ils ont fait, ils ont repris le bateau, ils ont été assez heureux pour accoster à Paria dans le Venezuela. Le Venezuela avait besoin de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre spécialisée et de cadres, comme ils disent. Et c'est pour cela qu'il accueillait bien les bagnards. Il n'y avait pas de traité d'extradition. Bougrat s'installa comme médecin dans une petite ville qu'on appelle Carupano. Il épousa une Italienne. Il y eut une épidémie de choléra et Bougrat se distingua tellement qu'à l'heure actuelle, à Carupano, il y a une rue Émile Bougrat. It rained 5 days and the clouds turned as dark as night. Yes, it rained 5 days and the clouds turned as dark as night. Lord, and trouble taking place, Lord, in the lowland that night. I got up one morning, poor me, I couldn't even get out of my door. Yes, I got up one morning, poor me, I couldn't even get out of my door. Thousand, thousand of poor people out of class, they didn't have no place to go. Then I went, I stood up on a high, high, lonesome hill. Yes, I went, I stood up on a high, high, oh, lonesome hill. Lord, and all I could do was look down, leave on the house where I used to live. Then it thundered and it lightning. Lord, and the wind began to blow. Yes, it thundered and it lightning. Lord, and the wind began to blow. Lord, there were thousands and thousands of my poor people. At that time, they didn't have no place to go. Alors La loi qui supprime la transportation est votée en 1938, mais rien n'était prévu, ni du reste sur la relégation, ni surtout sur le rapatriement des condamnés encore sur place. Et la guerre intervient, et le gouvernement de Vichy va nommer, à partir de 1941, un directeur de l'administration pénitentiaire, qui s'appelait le lieutenant-colonel Camus, qui du reste a été exécuté par la suite, je crois, enfin je peux me tromper, mais je peux, d'après ce qu'on m'a dit. Et ce lieutenant-colonel Camus va vouloir faire respecter le règlement qui datait de la fin du 19e siècle à la lettre. Et les relégués en particulier, d'après la loi de 1885, étaient astreints à un travail quotidien assez important. Et Camus va vouloir que ce travail soit réellement effectué. Mais effectué par des gens complètement sous-alimentés, puisque les convois n'arrivaient plus, dans des conditions de climat difficiles, et par rapport à une situation antérieure où on leur avait jamais demandé de fournir ce type de travail. Et alors, il y avait un système qui m'a été raconté sur place, c'est-à-dire que la ration alimentaire n'était donnée aux relégués que s'ils avaient coupé leur stère de bois quotidienne. Et donc, quand on n'avait pas fait sa stère de bois, on n'avait pas à manger. Et on devait compléter la stère de bois du jour et faire celle du lendemain, sans manger. Bon, alors on voit très bien ce que ça a donné comme résultat, c'est-à-dire du 20 à 25% de mortalité par an pour ce qui est des relégués qui étaient donc à Saint-Jean-du-Maroni. Jamais le taux de mortalité n'avait été aussi fort en Guyane qu'en 42-43, excepté les années 54-55 de début du bagne. Et quand Camus part, quand la France libre et les Américains se réinstallent en Guyane, ils découvrent des choses finalement assez épouvantables, surtout du côté des relégués. Les transportés, eux, avaient été plus ménagés, étant donné qu'il s'agissait de l'aristocratie du crime. Là, les autorités ne s'étaient pas trop exposées à une sorte de révolte qui aurait pu venir. Finalement, il fallait pas trop... À partir du moment où on n'embêtait pas, et ça m'a frappé dans l'histoire du bagne, c'est le caïda, comme ce qu'on retrouve partout finalement. À partir du moment où l'administration ne chatouillait pas trop les gros caïds des îles du Salut ou de Saint-Laurent-du-Maroni, il régnait un certain calme et tout le monde en profitait. Les condamnés qui pouvaient continuer un certain nombre de trafics, d'améliorations de leur vie quotidienne, et l'administration qui savait ne pas avoir à redouter de révolte globale. Parce que ce qui est étonnant, entre parenthèses, dans l'histoire du bagne de Guyane, c'est qu'il n'y a eu quasiment pas de révolte globale. Il n'y a pas eu de mouvement de révolte. Il y a eu quelques cas spontanés, en particulier quand il y avait des anarchistes aux îles du Salut, qui avaient une certaine conscience politique et qui ont tenté de fomenter une sorte de révolte. Autrement, il n'y a jamais eu de révolte importante, ni même de tentative, parce que la paix, la paix civile, si on peut dire, profitait à tout le monde. Aux condamnés et aux caïds qui pouvaient continuer à assurer leur domination sur leurs co-détenus, et à l'administration qui n'avait pas à craindre de révolte. Parce que la vie dans les cases pour les transporter et pour les caïds était finalement pas si désagréable que ça, si on peut le dire. C'était des cases de 60 à 70 personnes où on jouait aux cartes le soir, où il y avait tellement de trafic qu'on pouvait quand même arriver à se nourrir, qu'on arrivait à boire, que bon, l'homosexualité bien sûr était générale à 95%, et donc, comme il y avait à chaque fois de nouveaux condamnés tous les ans, les caïds arrivaient toujours à renouveler, si on peut dire, leur stock de chair fraîche. Il y a tout cet aspect de vie quotidienne du bagne qui me semble aussi important à pas oublier. C'était valable pour les transporter, c'était valable aussi pour les reléguer, mais dans une moindre mesure, puisque eux restaient tout le temps les minables, méprisés par tout le monde, quoi. Et ce n'est qu'en 1946 qu'on commence donc à rapatrier tout le monde, transporter et reléguer, et qu'on se rend compte que la mortalité donc a été effroyable parmi les relégués. C'est l'armée du salut du reste qui se verra confier la tâche de préparer ce rapatriement et de réinsérer socialement les quelques, je crois, 3 ou 4 000 survivants qui vont peu à peu être dissous dans la société française sans qu'il y ait de problème. Émile Jussot, le dernier bagnard de Cayenne, car c'est le seul avec un nommé Taloche qui est 90 ans, je crois, et qui ne se rappelle plus de rien. Émile Jussot a 80 ans. Et il a été avec Cesnec, avec le curé de Bonbon, avec le docteur Bougras. Il connaît toutes ces histoires-là, car Émile Jussot, ancien marin, c'est pour ça d'ailleurs que je le protège plus particulièrement, étant moi-même ancien marin. Émile, à l'âge de 24 ans, se trouvait à Bordeaux, sur un bateau, et avait acheté un pistolet pour tuer les rats sur les quais. Il est descendu à terre avec un de ses camarades. Après avoir bu copieusement, ils sont rentrés dans un bar. Mais voilà, son pistolet dans la poche. En rentrant dans le bar, il a pincé les fesses de la servante qui a poussé un cri. Le patron du bar, costaud, Émile était tout petit, s'est précipité sur Émile avec un litre et lui a cassé le litre sur la tête. Émile, voyant qu'il allait passer à tabac, a sorti son pistolet et a tiré sur le patron du bar. Il a eu tentative de meurtre. À cette époque, tentative de meurtre vous envoyait au bagne à perpétuité. C'est ce qui est arrivé à Émile, malgré que le patron du bar est venu témoigner en sa faveur en disant il n'a fait que de me blesser. Émile s'est retrouvé à Cayenne, dans les convois partis en 28. Émile, je voulais qu'il soit là, mais il s'est encore évadé. Il s'évade constamment. Émile ne peut pas tenir en place. On l'a mis dans des maisons de retraite. En ce moment, il est à l'hospice. Constamment, on me téléphone encore la semaine dernière. Le commissariat de police de Toulon, vers minuit moins le quart, me téléphonait. On vient de retrouver Émile avec une couverture sur le dos dans le port de Toulon. Il faudrait venir le récupérer. Soit des journalistes qui connaissent bien Émile, aussi ils le trouvent sur les quais de la Seine, au milieu de la nuit. Il ne peut pas rester dans un endroit, dans des maisons de clochards. Ce n'est pas qu'Émile est devenu clochard, loin de là, puisqu'il a écrit ses mémoires suite au roman de Papillon, car on peut appeler ça un roman. C'est pas du tout, Papillon n'a pas du tout vécu ce qu'il raconte. Il a pris les histoires des autres. D'ailleurs, quand on veut faire mettre Émile en colère, on lui pose la question « Qu'est-ce que tu penses de Papillon ?» Alors Émile change de couleur, il est anti-Papillon à bloc. Voilà, alors Émile, peut-être va-t-on le retrouver dans la soirée, là, et vous le faire parler, car il mérite juste de raconter sa vie, Émile. Émile a été libéré après 25 ans de bagne par le président, je crois, Vincent Auriol, car Émile a participé à la recherche du campement de l'explorateur toulonnais Maufray. Et ils ont retrouvé le campement, mais jamais Maufray. Ils ont retrouvé le squelette du chien, mais ils n'ont jamais retrouvé Maufray. Mais enfin, à cette occasion-là, Émile a été libéré sur place, travaillé au PTT à Cayenne. Il a été réintégré en France par l'armée du salut. Et par la suite, je vous dis, il a écrit ses mémoires. Il est très difficile maintenant de trouver son livre qui s'appelle « Les cloches de la Camarde ». Ça veut dire « Les cloches de la mort », car quand on décapite ou un forçat était mort, on le mettait dans une toile, on sonnait une cloche et on le jetait dans le Maroni. Et au son de cette cloche, les requins venaient sur place et dévoraient le cadavre. Il n'y a pas seulement des bagnes, du moins pour les forçats ayant commis de vilaines actions. Si vous voulez. Il y a aussi les bagnes militaires auxquelles Albert Londres, dans son livre « Dante n'avait rien vu », va parler longuement et qu'il réussira à faire supprimer, comme d'ailleurs plus tard, il fera supprimer le bagne. Hein. Je suppose que beaucoup au service militaire, ça se chante, connaissent encore la chanson hein. « Biribi est tombé à cause d'Albert Londres, mais il est remplacé par plus horrible encore, qu'on appelle Clairvaux, etc. » Il y avait Calvi pour les marins, et Calvi pour les marins. Bagne de Toulon, de Brest, de Rochefort, île du diable, du salut, île de Ré, bagne militaire de Calvi, Biribi, Clairvaux, Fresnes, La Santé, Alcatraz, bagne de Nouvelle-Calédonie, Camp du Larzac, Sing Sing, Fleury-Mérogis, camp d'internement de Compiègne, bagne de Colima. Dans l'histoire de l'évasion, la réussite n'est qu'un chapitre court et brillant. Toute la semaine, nous avons voulu, Mehdi et moi, cerner le visage furtif de la belle, celui que d'innombrables prisonniers ont tenté désespérément d'entrevoir, qu'ils ont rejoint parfois et parfois non. Ce soir, pour parler de la belle, Lucien Gaillard, Jacques Lebon, Michel Pierre. Michel Pierre a publié « La terre de la grande punition » aux éditions Ramsay. Lucien Gaillard est l'auteur de « La vie quotidienne des ouvriers en Provence au XIXe siècle » dans la collection Hachette, la vie quotidienne. I'm not here. La belle, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov. Fuir, là-bas fuir. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er avril 1983. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.